Je vous écris de Rome. Comme vous le savez, c'est la capitale des chrétiens, avec un pape EC, c'est-à-dire extra-communautaire. C'est ainsi qu'ils appellent ici les étrangers provenant des pays pauvres. À tous les membres de la famille, aux voisins, aux amis, à tous ceux qui demandent après moi, dites qu'à part le manque de vous tous, en particulier de ma tendre maman, qui fête ce mois-ci ses 86 ans, ma santé va bien. Je dois faire une remarque. À l'exception de la ville de Rome, j'utilise les noms d'auteurs et de lieux en langue italienne pour vous communiquer la belle et charmante musicalité de cet idiome. Quand la compréhension le nécessitera, je mettrai la traduction entre parenthèses. Dites à tous qu'à Rome, les immigrés vont et viennent depuis plus de 2 millénaires, depuis que les Romains envahissaient les pays étrangers et amenaient dans leur capitale des esclaves résignés de toutes les religions et couleurs de peau. Au point qu'aujourd'hui, en voyant un citoyen de la ville, même si « da più di 7 generazioni », comme ils disent, c'est-à-dire « depuis plus de 7 générations », on ne peut affirmer avec certitude qui étaient les ancêtres de ce citoyen, étant donné tout le « minestrone », le potage, mijoté entre les peuples durant l'Empire romain, avec sa production d'enfants légitimes, d'enfants naturels, d'enfants de citoyens libres, d'enfants d'esclaves et d'enfants de personnes. Cela explique peut-être l'adage populaire « tutto er mondo e paese ». Le monde entier est un seul pays. C'est ainsi qu'une fois je me suis amusé en voyant un garçon de la ville, aux cheveux noirs et à la peau plutôt foncée, crier « Viva la razza bianca !»« Vive la race blanche !» Il y a donc des gens qui ont des yeux, mais ne savent pas voir, à cause d'un cerveau aux insuffisances notoires. J'ai appris qu'un saint d'ici, un des plus importants, nommé saint Augustin, et Apulée, l'auteur du fameux « L'âne d'or », connu dans le monde entier, sont tous les deux numides, du nord-est de l'Algérie. Oui, oui, des Algériens, doc, des EC, d'origine. Je dis cela sans aucun stupide orgueil nationaliste. Plus exactement, ce sont des Amazigues. Les Français disent « berbères », mais je n'apprécie pas ce mot pour sa ressemblance avec le mot « barbare ». Cela m'a fait plaisir de découvrir ces auteurs. Mais, comme leurs textes ont été rédigés dans la langue dominante de l'époque, le latin, les gens d'ici les croient romains, et la plupart des Algériens ne les connaissent pas, peut-être parce que ces auteurs n'ont pas écrit en tamazicte, la langue numide, ou encore parce que saint Augustin est un chrétien, et Apulée, pis encore, un païen. Je reviens à moi, et à aujourd'hui. Dans le quartier où j'habite, mes voisins se disent « bons chrétiens », parce qu'ils prennent naturellement exemple de leur prophète, Al-Mahdi, qu'ils appellent « il Messia », le Messie. Et puis, bien qu'ils sachent qu'il était palestinien, juif, pauvre et immigré à Jérusalem, les gens d'ici, en général, n'aiment ni les Palestiniens, ni les Juifs, ni les pauvres, ni les immigrés. Pourtant, ils connaissent ces paroles du Messie. « Si vous donnez à manger à un affamé, c'est à moi que vous donnez à manger. » Mais, en général, ils ignorent ce malheureux ou le traitent de fainéant, de profiteur. Les plus hypocrites déclarent « Dieu l'a fait naître, Dieu s'occupera de lui donner à manger. » À mon avis, les descendants de la cité éternelle ont un certain petit complexe irrationnel. Comme nous l'avons, nous, par rapport à Rome, eux, ils l'ont par rapport à la Rome de l'Empire actuel, New York. À cause de cela, les Romains aiment utiliser des mots américains et faire ce qu'ils appellent, avec une fierté déclarée, l'americano a Roma, l'américain à Rome, comme dans un film célèbre du même titre qu'ils ont produit. C'est comique. Ainsi, si tu t'appelles Ali Karim, ils le trouvent étrange et très difficile à prononcer. Mais si tu te nommes Wellington Herald Mac O'Hara, ils restent extasiés et se livrent à un concours pour qui prononcera le mieux Wellington Herald Mac O'Hara. Ces Romains voudraient peut-être émigrer à New York pour y vivre, mais sont dissuadés, à mon avis, par la crainte d'être réduits à la condition d'un EC, condamné à survivre. Je crois qu'ils souffrent d'une contradiction intérieure. D'une part, se considérant héritiers d'empereurs, ils se voient grands et méprisent le tiers-monde avec hauteur. Mais, comme ils descendent aussi d'esclaves, ils se voient aussi petits et admirent l'America, jeu de mots sur l'Amérique, transformé en Amérique riche. Cette double descendance pourrait expliquer une qualité rare et précieuse des habitants. Ils pratiquent l'auto-ironie allègrement. Par exemple, le fameux SPQR, qui décore le fronton de leur mairie, signifie « Senatus Populus Quae Romanus », c'est-à-dire « le Sénat et le peuple romain ». Eh bien, voici comment aujourd'hui les habitants de la ville l'interprètent. Sono porci questi Romani. Ils sont des porcs, ces Romains. Pas mal, non? J'aime ce genre d'esprit, qui sait rire de soi-même, sans méchanceté. Cela prouve mentalement une bonne santé. De toute façon, chers parents, dites aux voisins que les Romains me sourient, parce qu'ils sont bien disposés à connaître le différent. La preuve est qu'ils se sont tellement attendris à voir au cinéma E.T., l'extraterrestre. Est-ce pour cela qu'ils m'appellent E.C., l'extra-communautaire? Mais je crois qu'ils préfèrent E.T., parce que lui retourne dans son bled d'origine, tandis que l'E.C. choisit de rester chez eux, à Rome, ce qui les chagrine. Ils m'accusent de leur voler le travail. En réalité, on ne m'offre que celui qu'ils refusent. Ils le déclarent contraire à leur dignité humaine, comme si moi je n'en possédais pas. En ce qui me concerne, comme vous le savez, tout travail est digne, s'il est honnête. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des détritus humains. Dans une société juste, on le ferait à tour de rôle. Mais la justice, c'est trop demander aux êtres humains qui jouissent précisément du manque de cette justice. Ils sont, hélas, puissants et méchants. Excusez-moi, mes tendres mamans et papas, sœurs et frères, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais les 9 heures passées dans la cuisine du restaurant, surchauffées par les fourneaux, où, debout, j'ai nettoyé des milliers d'assiettes, ces longues heures ont consommé mes forces. J'ai besoin de repos. Demain, je continuerai. Comme le sultan, avec la Scheherazade des 1001 nuits, vous connaîtrez mon récit en épisode au plus profond de plusieurs nuits.